Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons maintenant nous pencher sur les inégalités, mais pas celles d'aujourd'hui, celles qui existaient déjà à la préhistoire. Alors la question, c'est comment on a pu trouver des indices de ces inégalités jadis, alors que nous n'avons aucun écrit de cette période. Donc la réponse, eh bien, c'est Marie-Claude Diode qui va nous la donner. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors pour les périodes de l'histoire qui précèdent l'apparition de l'écriture, nos connaissances en archéologie sont assez imprécises et incertaines. On n'en a pas beaucoup, mais les découvertes et les recherches qui vont engendrer quand même un bon lot de nouvelles informations et sont toujours des plus intéressantes. Et ce, aussi sur diverses facettes du monde préhistorique. Mm-hmm. A priori, les sociétés qui sont pré-écriture ne présentent pas de différenciation sociale ou d'inégalité. Il faut vraiment garder en tête qu'ils vivent d'un commun, d'une façon. Mais c'est un a priori qu'on fait, parce que. Quand même. Ouais, c'est ça. On se base sur cette idée-là, ouais. Mais la hiérarchisation sociale est un élément qui existe, mais qui est difficile à percevoir, mm-hmm. surtout à ce niveau-là, à ce temps-là, à travers un objet archéologique. Mais par contre, avec les avancées de la discipline, là, il est maintenant possible de faire un peu de lumière mm-hmm. sur ce sujet-là. La plupart des archéologues s'accordent pour dire que les hiérarchies sociales ont débuté avec l'avènement de l'agriculture, ce qui est l'équivalent de la période néolithique. Mm-hmm. Les premières communautés agricoles connues se retrouvent au Proche-Orient et elles remontent vers 11 000 ans. Ça okay. fait quand même assez longtemps. Et lorsqu'on regarde pour des preuves de stratification sociale dans ces sociétés-là, les résultats sont toujours un peu mitigés. Disons qu'on ne retrouve jamais de preuves qui sont tangibles. Mm-hmm. Certaines sociétés agricoles très anciennes vont montrer des signes que des gens ont joué des rôles différents. Donc, essentiellement, on les voit à travers les rites funéraires. Ah oui, à travers ce qui reste à côté des sépultures, si les gens sont accompagnés de tel ou tel objet, on d'objets. En déduit... Ouais. Exactement, qui ont un statut social au mm-hmm. sein de la société qui est différent. Et grâce à une recherche récente en archéologie sur des sites qui datent du néolithique, il y a une équipe de chercheurs allemands qui a réussi à discerner le rôle de certaines maisonnées sur le site de Madanesk en Ukraine, mm-hmm. en comparant l'architecture versus les inventaires d'objets qu'on retrouve à l'intérieur. Ah oui, mais là, donc, est-ce que tu peux nous situer un petit peu sur ce site en Ukraine? Oui, Madanesk, il fait partie de la culture Tripilia du néolithique qui va se développer entre 4100 ans et 3600 ans avant ouais. notre ère. Ce site fait partie de 30 sites, 30 agglomérations, si on veut, qui sont démesurément grands pour l'époque. Le site occupe une surface de 200 hectares, ce qui veut dire qu'on pouvait loger à peu près 2000 maisons. Ah oui, alors 2000 maisons, si on considère qu'il y a quand même plusieurs habités par maison, on arrive quand 5, même à, 6. à une 10 000 habitants, en tout cas une petite Facile. Ville quand même. Exactement. Ville. Donc c'est énorme ouais. pour l'époque. Ouais. Les maisons ont été érigées de façon à donner des cercles plus ou moins elliptiques et elles sont mitoyennes. Donc on dénote quand même aussi une certaine proximité. On va aussi voir des regroupements de 5 maisons aussi, de temps à autre. Peut-être qu'on restait proche de nos parents, de nos grands-parents. Donc, il y a peut-être une lignée générationnelle à l'intérieur de ça. Et au centre de ces cercles-là, on a un grand espace vide de bâtiments où la fonction en tant que telle est encore un peu mystérieux. On ne sait mm-hmm. pas à quoi ça servait. Et outre les maisons qui sont d'ailleurs sur 2 étages, on retrouve quelques mégastructures, comme des très, très grandes maisons, si on veut. On, mm-hmm. on en a à peu près 8, qui sont d'ailleurs au centre de quartier quand on délimite mm-hmm. les chemins ou les petites rues, de par la disposition justement là, des lignées des maisons. Mm-hmm. Donc, comment cette ville s'est organisée? On a une sorte de plan d'organisation? Oui, bien, au niveau social, si on veut, la réponse, on pense que c'est dans la maisonnée qu'on mm-hmm. peut déduire là, toute l'organisation. Faut que je souligne d'abord l'idée que les archéologues ont longtemps prôné l'hypothèse que les sociétés de ces périodes-là au néolithique étaient segmentées, ce qui veut dire que chaque maisonnée fonctionnait de la même manière et de façon indépendante. Donc, D'accord. on était autosuffisant puis on faisait pas affaire à d'autres, D'accord. à d'autres personnes. Mais là, avec la présente recherche, justement, et on propose probablement là cette idée-là qu'il y a une inégalité sociale qui devait être présente pour gérer, si on veut, cette grande agglomération-là, mm-hmm. qu'on peut même qualifier de proto-urbaine. Ben oui. Ultimement, cette inégalité-là sociale et un certain sens de contrôle qui en découle doivent être présents dans l'unité, si on veut, la plus petite qu'on peut connaître à l'intérieur de ce gros village-là, qui est la maisonnée. D'accord. Et c'est ce que les vestiges vont attester. Pour Madanesque, on trouve à peu près 1900 objets à l'intérieur d'une seule maison. Ah, ça fait beaucoup de documents de vestiges à interpréter, ça. Oui, c'est vraiment assez énorme. Ouais. On le retrouve à l'extérieur de la maison, au rez-de-chaussée, puis aussi un équivalent de premier étage. Est-ce que tu entends par équivalent du premier étage? C'est qu'on n'a pas de mur, on n'a pas l'élévation. Donc, la maison, elle est détruite et on conserve des couches qu'on déduit à être différents niveaux, donc différents niveaux d'étage. C'est sûr que, on suppose. Donc, on suppose que telle est, selon la couche, que ça vient du premier étage et ça vient du deuxième. D'accord. Et c'est un genre d'arrêt-stop dans le temps et ça nous permet de faire des associations entre l'objet qui est retrouvé et l'emplacement dans la maison. Et aussi, ça déduit ensuite la fonction de la pièce éventuellement où l'objet ou les objets ont été trouvés. La distribution spatiale est assez probante pour chacun des endroits, entre autres. Les bols et les gobelets se retrouvent à l'intérieur des murs du premier étage. On trouve aussi des assiettes qui sont toujours localisées près du foyer, sont accompagnées aussi des récipients de stockage, puis on est toujours au premier étage. On a une fusaïole qui est un anneau lourd qui sert de genre de volant d'inertie quand on fait du fuseau pour le filage. Et ceci a été trouvé à l'extérieur de la maison avec des objets en silex. Donc là, on a un aspect un peu plus de construction ou de fabrication. Ah. Et on a des grains de céréales et de légumineuses qui se retrouvent un peu partout à l'intérieur. Donc, grosso modo, on se retrouve avec une zone qui est à l'intérieur, qui sert de près et de loin à la nourriture. Donc, on a de la production, de la consommation. Donc, on peut croire qu'on a une cuisine puis une salle à manger. Et elle est près du foyer. À l'opposé de cette grande pièce-là, mais on a un lieu où il y a peu d'objets. Donc là, on peut déduire que c'est une zone un peu plus tranquille. Mm-hmm. Probablement qu'on faisait dodo. On dormait. Et qu'est-ce qu'on trouve au rez-de-chaussée? Mais là, c'est pas mal tous les mêmes objets, mais dans une autre sorte de distribution. Un peu éparpillé d'ailleurs aussi. Et là, on pense que ça pourrait peut-être être un genre de sous-sol, un genre de stockage. Mm-hmm. Donc, un peu notre cave, une version préhistorique. Ouais. Et les vestiges archéologiques de cette maison, ça témoigne donc d'une économie, une certaine économie un peu primaire, l'activité de tous les jours d'une maisonnée qui était autosuffisante, justement. Autosuffisante, oui. Et probablement qu'elle servait aussi à subvenir aux besoins des autres maisons. Ah, d'accord. Parce que justement, les autres maisons qui sont un peu plus grandes, on se retrouve pas avec les mêmes objets du tout. Mm-hmm. On va avoir beaucoup de fusaïoles, mais peu de vestiges liés à la production de la nourriture. Ah oui. Donc peut-être que c'était eux qui produisaient les vêtements. Ouais. Et il y avait un échange éventuellement avec ceux qui donnaient de la nourriture. Ouais. Et pour les très, très grandes maisons, donc les méga structures, là, il y a aucun signe d'activité économique à proprement parler. Mais c'est comme s'il y avait un statut spécial. Donc, ça veut dire qu'ils produisent rien, mais qu'ils devaient recevoir quand même peut-être beaucoup. Les nobles de l'époque. Exactement. Et d'ailleurs, on a trouvé un objet en or qu'on trouve nulle part ailleurs, mais on en a retrouvé un dans une de ces méga structures-là. Donc, il y a certainement une corrélation probante entre la grosseur de la maison et le type d'activité, d'économie qu'on y tenait. On peut dire que chaque maisonnée avait sa place au sein de toute cette mosaïque-là de maisons proto-urbaines. Mm-hmm. Ce qui va complexifier la chose, c'est qu'on se retrouve avec 5 niveaux de sociabilité, si on veut, qui va peut-être parler de l'intégration de la maisonnée à l'intérieur de l'agglomération, si on veut, proto-urbaine. Les identités, si on veut, ou les niveaux ont été opérés au niveau milieu spatial et non spatial du site. Donc, on retrouve à la plus simple expression, la maisonnée, qui est placée de façon à être très proche de ses voisins. Donc, ça permet d'avoir une bonne communication avec les gens aux alentours de soi. On a aussi une spécialisation de la maisonnée qui coordonne nécessairement des échanges justement avec les maisons qui sont plus proches, mais probablement aussi avec des maisons qui n'ont pas le même type d'économie. Ouais. Donc, il y a un échange qui est important. Les regroupements de 5 maisons, on avait parlé un peu. On parle peut-être d'un lien générationnel. Mm-hmm. 5, ça semble vouloir dire ça. On a un lien politique, puis voire même aussi économique, avec la méga structure qui, elle, se rassemble au sein d'un quartier avec plusieurs maisons et maisonnées autour. Et finalement, on aura un niveau politique ou une identité politique qui est assez forte et rassembleuse pour l'ensemble de toutes ces maisonnées-là. C'est sûr que ça reste encore assez mystérieuse, mais le fait que les gens ont resté là et qui ont quand même vécu assez longtemps pour coordonner toute cette mm-hmm. agglomération-là. Ça peut peut-être vouloir pouvoir dire que la mégastructure avait quand même un lien politique assez fort. Donc, pour conclure, je pourrais dire que l'inégalité sociale et éventuellement un contrôle ont sûrement aidé à créer une société qui était équilibrée, oui. une communauté qui était équilibrée. Mais c'est sûr que les données manquent encore à ce jour pour comprendre l'entièreté de la chose et aussi savoir si d'éventuelles tensions sociales se sont développées, comme on peut apercevoir sur de nombreux autres sites de la même époque. Ah oui. Parce que même si on retrouve des traces d'incendie sur le site de Madanaskin, à plusieurs endroits d'ailleurs, le site a peut-être été abandonné après 150 ans, mais on ne sait pas si c'est de façon délibérée ou si c'est vraiment à cause des tensions sociales qui auraient créé une implosion au niveau de la communauté. Mais 150 ans d'occupation, c'est quand même pas si long que ça, il me semble, pour non, une ça, vie. C'est vrai que c'est un peu mystérieux. Écoute, c'est très intéressant quand même de retrouver quand même, d'être capable de retracer un petit peu l'organisation sociale dans une ville. Et peut-être que tu as entendu parler de cette autre découverte aujourd'hui, publiée dans Nature, à propos d'une pyramide, la grande pyramide de Khéops. Non, j'ai manqué ça. T'as raté ça. Et donc, où des chercheurs racontent comment ils ont réussi à mettre en évidence une grande salle, grande comme un avion, donc complètement en bas de la pyramide. Tout ça avec l'aide de physiciens. Et donc, si j'en parle, c'est parce que cette découverte en archéologie a nécessité la collaboration de chercheurs en physique. Et la collaboration scientifique, ce sera justement notre prochain sujet sur CKRL au 89.1 après la pause publicitaire.